se cache. Que voit de ses vapeurs volages, que fleurent ses sentiments fondés, que brouille mon désir et l'envers quoi parfois et mieux s'élève et se redéfait. Ce n'est pas moi, c'est lui qui règne sur les amours.